soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on n'a rien à branler. Vive l'anarchie. Toutes les images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone pour lui pâté de maison comme un vieux livre que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce mardi 11 février 2025. C'est le retour du direct dans ce programme après quelques jours d'absence. Vous l'avez sans doute remarqué depuis semaine dernière, quelques programmes diffusés néanmoins. Mais voilà, j'étais présent comme ce fut le cas aux côtés de mon collègue Dio du côté de la Savoie pour des rencontres régionales, rencontres des radios associatives. Rencontre de notre confédération Aura FM, nos radios associatives en Auvergne-Rhône-Alpes, pour un temps de rencontre et de formation, autant vous le dire et l'annoncer d'emblée. Et c'est donc le retour en ce mardi 11 février, retour de l'actu politique, sociale et culturelle. Alors, précisément, de retour de Savoie, l'occasion de faire un petit focus aujourd'hui, actu des luttes en région. Nous allons aller du régional au local. En effet, actualité du côté du Lyon-Turin. Actualité du côté, alors ça c'est pour la Savoie, un procès hier dont je vous ferai retour. Également autre procès aujourd'hui et ce matin même d'ailleurs, eh bien c'est une info que nous avons reçue de Youth for Climate et Extinction Rébellion Lyon concernant 8 activistes jugés à la cour d'appel de Lyon. Ils avaient été jugés en première instance le 18 juin dernier suite à une action sur le site d'Arkema à Pierre-Bénite dans le Rhône visant à dénoncer les agissements de la multinationale et ses pollutions au PFAS. Et un rassemblement a lieu ce matin, fin de matinée, là, depuis 11h30 devant le tribunal avec des prises de parole et autres. Nous ferons un retour sur ce procès en appel d'activistes en lutte contre les PFAS et tout cela nous amenant précisément à parler des PFAS à l'occasion d'une rencontre que nous avions réalisée. C'était en novembre dernier, lors du dernier Tatou Juste, rendez-vous de la transition écologique, la 19e édition qui se tenait les 23 et 24 novembre. Et le 24 novembre précisément, nous rencontrions Génération Future, une ONG nationale, sa déclinaison locale, pour cette rencontre qui avait eu lieu autour d'un film documentaire produit par Avant l'Orage, PFAS, comment les industriels nous empoisonnent. On aura l'occasion précisément de revenir sur ce point avec deux militants, Jean-Louis Payon et Denis Barriot, que nous avions rencontrés alors. Voilà, ce sera l'essentiel sujet du jour, avec bien sûr, comme je vous l'annonçais, d'autres infos actus à vous faire part durant ce programme. Et puis de la musique, bien entendu, de la proposition musicale en actualité, avec notamment notre fédération nationale, pour ouvrir ce programme comme habitude, la Ferra Rock, Fédération des radios associatives rock de France, qui vous propose double artiste, album en découverte et partenariat chaque semaine. Alors nous allons ouvrir ce programme avec l'une d'elles. Il s'agit du nouvel album de Bermude, Oceans of the Moon, qui est sorti le 7 février dernier chez We Are Not Alone Music et Reverse Tapes. Bermude, c'est Elliot Achard, un petit prodige de la scène rock angevine, musicien et producteur, qui avait déjà réalisé un premier album, Shatter Amen, et il lui a fallu seulement 22 mois après celui-ci pour donner naissance à ce Oceans on the Moon, qui est toujours dans la même veine, je dirais, entre une espèce d'indie rock 90s, une veine assez grunge, en tout cas un son assez abrasif, si l'on peut dire ainsi, voilà, situé peut-être entre Dinosaur Junior et Fontaines D.C., s'il fallait donner quelques références. Je vous propose de découvrir cet album qui compte une dizaine de plages, avec ce titre-là que j'ai sélectionné, c'est Wherever It's Brightest. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Et voilà, c'est le partenariat Ferrarock cette semaine. Elliot Achard sous ce titre-là d'artiste Bermude ou Bermud, et l'album Oceans on the Moon qui est sorti le 7 février dernier chez We Are Not Alone Music. Rivers Tapes également pour soutenir cet album. Aux côtés de Pneu, et oui, on est entre... finalement Angers et Tours pour le duo Noise dont je vous ai déjà parlé sur cette antenne, de retour après 9 ans d'absence. C'est un nouvel album de 11 titres, celui-ci, Pneu Get Old or Die Trying, qui est sorti le 10 février chez Head Records. Et ce sont donc les découvertes partenariat cette semaine Ferrarock. Il suffit de vous rendre sur le site dédié, ferrarock.org, pour avoir davantage d'infos, écouter notamment extraits possibles de ces albums découvertes partenaires cette semaine. Et puis d'écouter surtout notre programme mutualisé et collectif Dig Dig Diggers, qui sera consacré précisément à ces artistes et albums. Ce sera ce vendredi pour cette 7e semaine de 2025, vendredi 12h-19h sur Dio, avec donc un module découverte album réalisé par Radio Primitive autour de Bermude, un module et donc interview réalisée auprès de Pneus par Radio Béton, la radio maison et donc de Tours. Et puis vous retrouverez même le 895 de Dio via une petite carte blanche réalisée par le collègue Loïc qui a reçu cet artiste-là il y a quelques jours de cela, en session interview live ici sur cette antenne et en nos studios. C'est GG106 que vous retrouverez en module découverte dans ce Dig Dig Diggers cette fin de semaine, donc sur Dio, 12h-19h, et le lundi en matinale dès 8h, on vous le rappelle. Des mots des sons sensibles s'ouvrent en forme d'agenda avec quelques rendez-vous que j'ai sélectionnés rapidement pour cette semaine. Vous donner par exemple ce rendez-vous de ce jeudi 13 février. Une nouvelle conférence attendue sur le conflit israélo-arabe avec la présence attendue de Stéphanie Lat Abdallah qui documente depuis des années le conflit israélo-arabe, le morcellement de la société palestinienne et le système d'incarcération massive qui est le pilier de la colonisation. Anthropologue, historienne et politiste, chercheuse au CNRS, au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Elle a réalisé de nombreux ouvrages et articles qui rendent compte du dispositif de contrôle et de répression exercé par Israël et de toutes ses reconfigurations depuis l'occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, de Gaza ou encore du Golan en 1967. Stéphanie Lat Abdallah sera en conférence donc ce jeudi 13 février. Ça se situera au 8 rue Victor Duchamp à Saint-Étienne, c'est l'annexe de l'amicale laïque Chaplon. Autre rencontre attendue cette fin de semaine à Saint-Étienne, c'est organisé par le département d'études politiques et territoriales de Saint-Étienne. Une histoire de la lutte contre le VIH-Sida à Saint-Étienne. Ça va se dérouler cette fin de semaine, c'est jeudi et vendredi 13 et 14 février dans l'amphi 001 du bâtiment Michelet. Ce sont des journées d'études organisées à la fois donc par le département d'études politiques et territoriales, mais également le laboratoire Triangle. Ce sont des journées d'études qui reviennent donc sur Saint-Étienne. 81-2024, c'est la période balayée durant ces journées d'études. Une histoire sociale et populaire de la lutte contre le VIH-Sida, avec de nombreux intervenants, de nombreuses interventions, des tables rondes également avec des grands témoins, des acteurs associatifs, l'angle local et donc la situation et les luttes à Saint-Étienne vont être aussi au cœur de ces rencontres, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail ultérieurement sur notre antenne au travers de différents programmes, puisque ces deux journées d'études seront enregistrées et diffusées sur notre station. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter le département d'études politiques et territoriales de Saint-Étienne de l'Université Jean Monnet pour éventuellement assister à ces journées d'études histoire de la lutte contre le VIH-Sida. C'est jeudi et vendredi 13 et 14 février, amphi 001, je vous le rappelle. La journée de jeudi, première journée, débutera par une de premières expériences militantes au regard des sciences sociales à partir de 9h jusqu'à 16h pour le temps de conclusion pour la première journée, comme je le disais, 16h30 même pour la fin de la première journée. Et puis deuxième journée de vendredi qui commencera également à 9h jusqu'à 17h. D'autres rendez-vous et actualités, et on va sortir du cadre départemental, en tout cas stéphanois dans un premier temps, même départemental, pour nous diriger doucement vers le Rhône, en tout cas dans le sud-ouest lyonnais, avec cette information là aussi que nous avons reçue pour un temps de rencontre-débat avec l'historienne Mathilde Larrère. Nos droits, on s'est battu pour les gagner, on se battra pour les garder. Slogan assez connu et entendu au travers de diverses manifs. C'est une rencontre qui se tiendra à Givors, maison du fleuve Rhône, place de la Liberté, ce jeudi 13 février, à partir de 18h30, pour un temps d'accueil et moment de convivialité, avant ce temps de conférence-débat attendu à partir de 19h30. Mathilde Larrère est historienne, enseignante chercheuse à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et qui vient de publier « On s'est battu pour les gagner, histoire de la conquête des droits en France », qui est rue aux éditions du Détour. Voilà, c'est l'initiative de l'Assemblée populaire du Sud-Ouest lyonnais. Et c'est donc à Givors, comme je vous le précisais, ce jeudi 13 février à partir de 18h30 pour le temps de conférence débat attendu à partir de 19h30 à Givors, maison du fleuve Rhône, place de la Liberté. Nous allons revenir dans le Rhône d'ici quelques instants pour le sujet à suivre dans ce programme. Juste auparavant, on reste dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et on se dirige du côté du 73 et du département de la Savoie, avec notamment une soirée de soutien qui se déroulait tout d'abord fin de semaine dernière, vendredi 7 février, à Saint-Jean-de-Maurienne. Soirée de soutien à Philippe Delhomme, qui est enseignant, professeur, adhérent de l'association Vivre et Agir en Maurienne, que nous avions interviewé il y a quelques années de cela, concernant cette fameuse ligne et projet Lyon-Turin. Philippe Delhomme est opposé à cette deuxième ligne ferroviaire Lyon-Turin et subit la répression judiciaire de l'État. Et c'est pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice contre les citoyens, citoyennes qui luttent contre les grands projets inutiles et imposés qu'a eu lieu cette soirée de soutien au travers d'un temps convivial et de diverses prises de parole ce vendredi 7 février dernier, tout cela à l'occasion d'un rassemblement et d'une convocation au tribunal qui avait lieu hier matin, lundi 10 février. En effet, Philippe Delhomme était convoqué du côté d'Albertville, une heure d'audience et tout simplement rappeler les faits peut-être, puisque hier matin, Philippe Delhomme était convoqué à 8h45 au tribunal correctionnel d'Albertville pour entrave à la circulation. Et oui, pour avoir fait obstacle au passage de véhicules de chantier, c'était il y a quelques temps de cela, une convocation qui faisait suite à ces événements survenus fin août 2022, action d'entrave au passage de ces véhicules sur la voie publique, sur la commune d'Avrieux, pour dénoncer le tarissement des sources d'eau causées par les forages, le vacarme permanent du chantier qui se poursuit, ainsi que les innombrables allers-retours, donc des toupies de béton et camions en tout genre. Alors voilà, face au Lyon-Turin, pour reprendre et vous faire retour de cette convocation hier et retour sur ce procès, face au Lyon-Turin, que reste-t-il de la liberté d'expression ? Philippe Delhomme, en procès hier matin, poursuivi pour avoir bloqué donc le bétonnage de la vallée de la Maurienne. Fin août 2022, citoyens, citoyennes et élus révoltés s'étaient réunis à Avrieux, cette commune, dans la Maurienne, contre le Lyon-Turin. En cause, donc, le tarissement des sources d'eau causées par les forages, comme je vous le disais, ce vacarme de chantier permanent. Et plusieurs personnes s'étaient assises sur la route pour protester et manifester leur opposition et entraver le chantier, causant des retards chiffrés à 500 000 euros par le destructeur Telt, la société concernée. Philippe Delhomme était placé en garde à vue et convoqué en procès hier matin. Et à l'audience, il a entamé les échanges en expliquant pourquoi il s'est placé sur la route face à Telt ce jour-là. Il a invoqué la charte de l'environnement de 2004 qui proclame dans son article premier que, je cite, « chacun, chacune a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Il a rappelé le projet destructeur qu'est ce projet Lyon-Turin sur la vallée de la Maurienne en tout point. L'avocat de la partie civile, défendant Telt, enchaîné en demandant une condamnation consistant à verser 1 euro symbolique, osant prétendre qu'eux aussi travaillent pour le bien public et la préservation de l'environnement, et clamant l'importance de la liberté d'entreprendre. Selon les militants, l'absurdité de son argumentation saute aux yeux et révèle plutôt la gêne de Telt face à une mobilisation qui démonte sa communication rassurante pour montrer au grand jour les destructions engendré. Puis est venu le tour du parquet, celui-là même qui 2 ans et demi plus tôt avait ordonné des poursuites se range aujourd'hui derrière la jurisprudence. Hier, la procureure rappelait la nécessaire prise en compte de la liberté d'expression qui prévaut sans difficulté sur le blocage de quelques camions toupies. Et l'avocate de Philippe Delhomme conclut et rappelait les absurdités sociales et environnementales du projet et demandait évidemment la relaxe en plaidant également l'état de nécessité dans lequel a agi son client. Et dans une délibération livrée immédiatement, la juge a annoncé la relaxe de Philippe Delhomme après moins d'une heure de procès, tant le dossier était creux face à la répression. Les militants et militantes continuent à se serrer les coudes. Militants de longue date, je dirais transfrontalière, entre à la fois Maurienne, France et Italie. C'est le cas de citoyens, citoyennes, mais également d'élus, à la fois donc français, françaises et italiens, italiennes. Il y avait un rassemblement hier en soutien à Philippe Delhomme avec banderole, chant, solidarité, qui ne cédera pas et qui seront encore à l'ordre du jour, puisqu'un nouveau procès, un nouveau rendez-vous est attendu. Ce sera le 18 avril prochain à 14h contre Philippe Delhomme, toujours, qui une fois de plus est poursuivi pour bâillonner sa liberté d'expression, car il aurait en effet appelé au sabotage dans un article de presse restituant une mobilisation là aussi d'il y a quelques mois. Donc affaire toujours à suivre et mobilisation toujours d'actualité et en cours. Voilà, écoute, tout va bien pour moi, j'espère que pour toi aussi. Je te fais de gros mimi. À bientôt. Et merci pour ce petit message de soutien, toujours bien sûr au sein de notre habillage qui nous accompagne au long de ce programme, Robert le Magnifique, Fuck the Hell Yeah, très bel album que je vous recommande toujours. Bref, revenons à nos actualités et notre sujet du jour avec un autre procès et qui va donner lieu à notre sujet que je vais vous proposer d'ici un instant. Un procès en appel d'activistes en lutte contre les PFAS de la Savoie. Nous nous dirigeons du côté de la région lyonnaise. C'est ce message que nous avons reçu de Youth for Climate Lyon et Extinction Rébellion Lyon. 8 activistes jugés en appel aujourd'hui, mardi 11 février, à la cour d'appel de Lyon. Il et elle avaient été jugés en première instance le 18 juin dernier suite à une action sur le site d'Arkema à Pierre-Bénite dans le Rhône visant à dénoncer les agissements inconsidérés de la multinationale et ses pollutions au PFAS. Un rassemblement depuis cette fin de matinée, depuis environ une heure, a lieu depuis 11h30 devant le tribunal. Des prises de parole d'élus nationaux et locaux et des acteurs, actrices également de la lutte contre les PFAS se tiennent actuellement pour soutenir les prévenus et continuer de résister face aux polluants éternels. Alors là aussi, petit rappel des faits. Le 2 mars dernier, 400 militants se rendaient à l'usine d'Arkema à Pierre-Bénite pour exiger la dépollution des zones contaminées, l'application du principe de précaution ainsi que la réparation du préjudice subi par les habitants, habitantes et les travailleurs, travailleuses. 8 personnes ont été interpellées ce jour-là. Après avoir subi des gardes à vue de près de 48 heures, elles ont été convoquées au tribunal et risquent donc aujourd'hui des peines allant jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. 5 d'entre elles ont simplement accroché une banderole sur un bâtiment. Les autres ne sont même pas entrés sur le site. Le 18 juin dernier, le procès en première instance a eu lieu au nouveau tribunal de Lyon. Les témoignages d'habitants, habitantes victimes de ces pollutions, de toxicologues et d'élus engagés contre le fléau des polluants éternels se sont enchaînés, étayant les motivations des prévenus. Et elles se sont également défendues, rappelant la nécessité d'une telle action. Les plaidoiries des avocats et avocates ont fini d'enfoncer les portes déjà grandes ouvertes. Cette action était légitime et nécessaire. Et c'est ce qu'a fini par reconnaître le tribunal, relaxant 7 prévenus sur 8 au motif que cette action relevait de la liberté d'expression. Suite à cette décision, le procureur et Arkema ont fait appel main dans la main, conduisant les 8 prévenus devant la justice une nouvelle fois. Puisqu'il le faut à nouveau, eh bien, il s'agira de valoir que leurs agissements étaient nécessaires, proportionnés et légitimes. Pour rappel, Arkema est un des grands et principaux producteurs de PFAS, molécule toxique à l'origine de l'un des plus gros scandales sanitaires de ces dernières décennies. Alors qu'une loi sur ces polluants éternels avait été approuvée par le Parlement avant la dissolution de l'Assemblée nationale, les militants militantes continuent d'être criminalisés. IEL ont pourtant lutté activement pour l'interdiction de ces polluants éternels et ont largement participé à remettre ce sujet au centre du débat public. Ces activistes ont subi un véritable acharnement policier et judiciaire, garde à vue de près de 48 heures, destruction de matériel et téléphone portable, confiscation de voitures et contrôle judiciaire ont été de mise. Maintenant que les PFAS sont au cœur des préoccupations publiques, que des réponses politiques et légales sont apportées à ce scandale et donnent raison à la lutte contre Arkema, la réponse judiciaire doit être à la hauteur des enjeux. Une condamnation de ces militants militantes à quelques jours du retour de la loi PFAS à l'Assemblée nationale serait incompréhensible. Et donc depuis ce matin, 11h30, un rassemblement déclaré se tient devant la cour d'appel. Il faut rappeler tout de même, en effet, ce rôle important des militants militantes en tant véritablement que lanceurs, lanceuses d'alerte. Et donc Youth for Climate Lyon et Extinction Rébellion ont organisé organisé cette action ce matin et réaffirment par ailleurs et par là bien sûr leur soutien aux militants et militantes. Alors précisément dans le cadre de ce procès dont nous aurons l'occasion de revenir pour vous en donner bien retour et résultat, l'occasion de revenir sur cette question des polluants éternels et des PFAS. Puisque nous rencontrions cette ONG nationale, il s'agit de Génération Future, vous savez, créée en 1996 par François Villerette, et qui donnait lieu à une rencontre projection-débat. C'était lors du rendez-vous de la transition écologique à Saint-Étienne, tout juste la 19e édition, qui se tenait au Parc Expo les 23 et 24 novembre dernier, sur lequel nous étions présents en direct durant ces deux journées, à l'occasion de différents temps, à la fois d'interviews auprès d'exposants et exposantes, à la fois d'interviews auprès des conférenciers et conférencières de ce week-end-là, et puis à la fois de diverses tables rondes que nous vous proposons régulièrement d'ailleurs en écoute et en retransmission sur notre antenne. Alors, l'occasion de retrouver précisément ce sujet d'Epiphas, puisque un documentaire a été projeté, produit par Avant l'Orage, qui est une société ou association collectif créée en 2020 par l'écologiste Camille Etienne et le réalisateur Solal Moisan. Projection de ce documentaire, PFAS, comment les industriels nous empoisonnent, qui était proposé, et bien sûr, suite à cette projection, était proposé un temps de rencontre, débat avec Génération Future, ONG nationale, déclinaison locale, précisément dans la région lyonnaise ou entre Saint-Étienne et Lyon. C'était l'occasion de retrouver Jean-Louis Payon et Denis Barriot. Et c'est précisément ces deux militants de Génération Future que vous allez retrouver d'ici un instant sur le 895 de Dio pour parler des PFAS et de comment les industriels nous empoisonnent. C'est d'ici un instant sur le 895. Au Parc Expo à Saint-Étienne pour ce 19e salon Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique qui se poursuit, qui va fermer ses portes ce soir à 19h. Mais auparavant, un petit temps interview tout à fait en lien avec les temps conférences qui sont proposés dans le cadre de ce Tatou Juste. Ce sera aussi la dernière conférence rencontre, débat, projection pour ce temps-là de ce dimanche et de ce Tatou Juste à 16h30 tout à l'heure. Il y aura la projection du film documentaire PFAS, comment les industriels nous empoisonnent. Un film documentaire produit par Avant l'Orage. Avant l'Orage, on le rappelle, a été créé en 2020 par l'écologiste Camille Etienne, que nous avions reçu ici même sur cette antenne l'an dernier et qui était venu aussi présenter une conférence ici sur ce Tatou Juste en co-réalisation avec Solal Moisan, qui utilise la vidéo et l'art de manière générale comme outil et moyen de déclencher l'action face à la destruction du vivant. Et justement, les PFAS menacent bel et bien le vivant, nous en tant que tels humains, mais pas seulement. Appelés polluants éternels, sont une famille de plusieurs milliers de molécules chimiques utilisées massivement depuis les années 40 par les industriels. On en trouve aujourd'hui partout, dans notre quotidien, de nos ustensiles de cuisine à nos lentilles de contact, voilà, quasiment indestructibles, des substances qui persistent dans l'environnement, dans nos corps et qui surtout posent de graves problèmes de santé publique, hein, avec des problèmes de cancer ou encore de dysfonction immunitaire. On va tenter d'y voir plus clair justement avec Génération Future qui va intervenir tout à l'heure à l'espace conférence à l'issue de la projection de ce film documentaire. Génération Future représentée ici par Jean-Louis Payon et Denis Barriot. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur nos radios associatives Onden et Dio. Génération Future, c'est une association nationale et vous en êtes ici les représentants de l'antenne finalement locale ou régionale basée pas très loin d'ici en périphérie stéphanoise entre Saint-Étienne et Lyon plus précisément. Est-ce que vous pouvez nous présenter, représenter cette antenne locale et l'intention et vocation de Génération Future ? L'association s'est créée en 96 grâce à François Villerette et donc... Au départ, on a beaucoup travaillé sur les pesticides, cette association. François Villerette, il faut le préciser. C'est l'ancien directeur qui est maintenant actuellement porte-parole. Voilà. Et donc, c'est un peu celui qui a initié tout au départ. Et donc, maintenant, il y a une grosse équipe qui s'est constituée de 7 personnes avec des spécialistes dans le juridique, des spécialistes au niveau analyse à tous les niveaux, médical et autres. Et donc, on a affaire à des experts. Et donc, on a un peu étoffé l'équipe. Et derrière, une vingtaine de relais au niveau national qui fait qu'on peut arriver à relier l'information. Et nous, on fait surtout majoritairement de la communication. Et à travers cette communication, on appelle à une prévention la plus poussée. D'accord. Est-ce que... Oui, je voulais rajouter, Denis, aussi que... N'hésitez pas. Donc on est une ONG nationale, mais on travaille avec d'autres ONG européennes sur ces thématiques-là, notamment les PFAS. Ça nous permet quand même d'harmoniser nos actions. Cette coordination, en fait, elle s'appelle Pan-Europe Pesticide Action Network. Donc ça regroupe des tas d'associations, qui soient françaises ou même européennes. Hein. Donc à chaque problématique, par exemple, si c'est sur les nicotinoïdes, on va travailler avec Polynis, d'autres associations qui sont en lien avec ça. Voilà. Alors, vous êtes basé où exactement? On n'a pas parlé de la localisation pour cette antenne régionale. C'est-à-dire que l'antenne, disons, au départ, on était sur la maison d'environnement à Lyon, la métropole. Et là, on développe un peu sur toute Loire-Haute-Loire. Et donc, automatiquement, on travaille sur Loire-Haute-Loire et Rhône, principalement. Et donc, sur la Loire, par exemple, on a essayé aussi d'étudier ce qui se passait sur la Loire, parce que c'est des zones qu'on croirait vierges par rapport à ces pollutions. Et en fin de compte, il y en a des pollutions. On a fait des analyses très récemment en amont vers au-dessus de Monistrol. Eh bien, on a trouvé, à Bassin-Bassin, on a trouvé des TFA. Des TFA, c'est une sorte de dérivé de la destruction de pesticides dégradés, des métallochlores. Et en plus, après, derrière, ça crée des sortes de TFA, des sortes de perfluorés qui font que ça pollue aussi quand même. Il y a un taux de TFA dans l'eau de la Loire. Donc, la pollution est partout, même dans des zones qu'on croirait vierges, presque vierges. Et oui, ça, c'est lié aux pesticides, parce que les pesticides et les perfluorés sont intimement liés, parce que le problème, les perfluorés protègent un peu et permettent aux pesticides de perdurer plus longtemps dans les terres parce que c'est imperméabilisant, voilà. Ouais, donc ils sont finalement éternels. Voilà, éternels, voilà. Donc ça permet, ils sont coulés partout, même dans les valves des opérés du cœur, dans les valves, dans ces valves, il y a du perfluoré partout. Donc on ne peut pas s'en passer d'une manière brutale. Donc le problème, il faut faire de la prévention pour qu'on n'ait pas des taux très élevés comme... ce qui se passe, par exemple, à Pierre-Bénite, à Oula. Voilà. Alors, justement, parce qu'on a toujours pensé que c'était un problème qui venait d'ailleurs ou une problématique un peu comme ça, hors de nos territoires. On se rappelle ce fameux film fiction basé d'une histoire vraie dont j'ai perdu là le titre. Dark Waters, merci. Voilà, qui abordait cette question et qui a été quand même un coup de massue. Hein. Quand on a vu ce film-là, on s'est dit, mais oui, attendez, si ça se passe là-bas aux États-Unis, pourquoi ça ne se passerait pas ici? Et justement, c'est tout l'intérêt de votre antenne et de votre travail et de Génération Future, c'est que finalement... ce travail qui a aussi amené à ces pollutions, parce que c'est aussi nos régions très industrialisées passées. On pense à la région lyonnaise, qui l'est toujours d'ailleurs, mais notre région aussi, bien sûr, de la Loire, hein, de par ses vallées voisines, l'Andenne, le Gier, qui est une vallée industrielle bien sûr très importante. Et il s'agit aujourd'hui de relever finalement les dégâts qui ont pu être faits dû à cette activité. Donc l'idée est d'avant tout aussi de poser le constat. Donc là, justement, comment Génération Future a pointé un petit peu ces choses-là? Donc le constat, il a été posé grâce à l'enquête de Martin Boudou, un journaliste de France 5, hein, qui avait d'ailleurs sollicité Génération Future pour faire des prélèvements sur la zone de Pierre-Bénite, à Arkema-Daikin, et d'où les conclusions que c'était imparable, qu'il y avait des rejets qui étaient au-delà de ce qu'on pouvait imaginer dans le Rhône. Hein, Alors du coup, après Génération Future, on s'est retrouvé, c'est surtout Jean-Louis qui était au départ, on s'est retrouvé dans la problématique de coordonner un mouvement citoyen, essayer de rassembler un maximum de personnes, de collectifs, d'associations sur cette problématique. Donc on a fait des manifestations, on a entamé également des actions juridiques, hein, alors au niveau national. Et sur place, il y a eu des associations comme Notre Affaire à tous, Bien Vivre à Pierre-Bénite, qui est l'association locale, qui sont parties aussi sur des actions juridiques. Après, il y a eu la métropole de Lyon qui est partie là-dessus aussi. Des associations de démons du Lyonnais se sont aussi impliquées là-dedans, parce que finalement, comme c'est de l'eau qui est puisée dans le sud de Lyon, sur des nappes phréatiques qui étaient polluées, bon, ben, la problématique, elle s'est répandue de partout. Oui. Et, oui, mais alors là, vous pointez la pollution des sols, la pollution des eaux, nappes phréatiques, rivières, fleuves, ce que vous venez d'évoquer, mais en fait, c'est pas seulement à ces endroits-là qu'on relève ces points de pollution. Eh bien, c'est un peu partout. Le problème, c'est omniprésent. C'est omniprésent dans notre vie quotidienne. Il y en a dans les vêtements textiles un peu pour le sport et tout. Il y en a partout, ces produits. Donc, c'est omniprésent. Donc, tout le monde est touché à des taux plus ou moins élevés. Donc, plus on est vieux, plus on a un certain âge, plus on a des taux de perfluorés dans le corps élevés. De toute façon, même les ours polaires ont des taux de perfluorés. Donc, c'est hyper invasif. Il y en a partout. Et donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce qu'il y en a partout, il n'y a pas de lieu, on ne peut pas se... Alors après, les poissons, alors on a fait des analyses, les poissons sont très touchés, surtout les plus gros poissons, les plus vieux poissons, de certains âges, ils ont plus de perfluorés. Donc c'est des signes, ça, des signes à travers des analyses qu'on a fait, qu'on a déclenchées sur les analyses de poissons dans le Rhône, par exemple. Alors, s'il y en a de partout, la question qui se pose, juste, c'est quel angle d'attaque choisir ? Parce que là, comment faire ? On sait que l'industrie peut être effectivement polluante. Quelles industries ? Parce que là, vous parlez de la région lyonnaise, vous parlez de Pierre Bénite, on connaît cette vallée de la chimie. Je veux dire, c'est pas chose nouvelle qu'on a des usines et des pollutions possibles dues à cette activité industrielle. Simplement, effectivement, elle est là, elle est de partout. Je veux dire, quel levier d'action, comment agir quand c'est de partout, effectivement, on va demander quoi, la fermeture des industries, on va demander la cessation de ces activités-là, enfin comment, ça pose la question quand même, hein, de savoir comment intervenir et comment agir. Mais comment agir, après c'est aussi l'industrie chimique qui doit agir, hein, par rapport à ce qu'elle déverse dans le milieu, et ça c'est compliqué à voir, tant qu'on n'a pas légiféré sur le sujet, ce qui était presque en train de se produire lors de la dernière mandature avant la dissolution et qu'il a repoussé, il y avait quand même un plan pour déjà réduire les usages de ces PFAS là, dans l'habillement, les poils et des usages qui ne sont pas importants, essentiels. Bon, là c'est encore repoussé. Alors après on se retrouve, il n'y a pas que chez nous, hein, comme vous dites. Et par exemple, je prends l'exemple de Rumilly en Haute-Savoie. Donc c'est une ville, donc là c'était Seb, hein, qui était l'emblème industriel de cette ville. L'ustensile de cuisine. L'ustensile de cuisine, les poêles Tefal. Et donc il y avait Salomon aussi, et puis une tannerie. Donc eux, ils ont rejeté pendant des décennies des polluants éternels. Et le maire de la ville, à un moment donné, l'an dernier, à la suite des analyses de ces eaux, ces eaux potables, eh bien, elles étaient contaminées à tel point que c'était pas buvable pour la population, soit avoir des risques énormes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les collectivités locales, elles ont été obligées de réagir. Donc, ils ont installé, par exemple, une centrale à charbon actif, hein, pour filtrer l'eau de ces nappes. Donc, ça a coûté aux collectivités 1 million d'euros, un peu plus d'un million. Et voilà, la première action d'un industriel pour quand même mettre la main à la poche, c'est de financer un peu l'entretien de ces charbons actifs, le remplacement, donc voilà, à hauteur de 350 000 euros. Voilà, c'est le seul en France actuel, mais sans procès, parce que les procès courent, mais on n'a toujours pas de résultats, si ce n'est des désillusions. Ouais. Alors après, souvent, les industriels aussi se masquent, je dirais, aussi derrière la réglementation, comme quoi ils respectent les normes, etc. On voit bien que c'est aussi sur ces points-là qu'il faut parfois agir, de par souvent des témoignages, et souvent bien trop tardifs, de maladies, par exemple, avérées. J'ai encore vu récemment une enquête, me semble-t-il, dans la vallée de la chimie, concernant je ne sais plus quelle industrie, mais comme quoi les travailleurs avaient été exposés pendant de longues années aussi à ces polluants, malgré toutes les bonnes consignes de sécurité qui semblaient être rassurantes. Hein. On leur avait dit c'est tout bon, vous portez un masque à je ne sais comment adapté, etc. Malgré tout, c'est pas que là que ça se passe. C'est aussi l'environnement de toute façon générale et à proximité qui était pollué. Et c'est en cas de maladie avérée, encore faut-il qu'elle soit reconnue par le monde du travail, justement, mais qu'il est peut-être possible d'agir en regroupant finalement aussi les témoignages et les cas. Oui, c'est sûr qu'il faut faire impérativement de la prévention. Et on, à travers le film de Boudot, on a vu qu'il y en a qui ont fait essayé de faire des analyses de proximité. Ils sont aperçus que 20% de la population, à peu près, perdait 10 ans d'espérance de vie. Donc, il ne faut pas dramatiser à outrance, mais on perd des espérances de vie à cause de ces pollutions. 10 ans, c'est quand même important, 20% de la population. Et on a essayé de faire des analyses. Ils ont essayé de faire des analyses dans les pays nord-européens. Ils ont trouvé ces chiffres. Donc, c'est quand même important de perdre. C'est quand même grave de perdre 10 ans de sa vie à cause des pollutions, même si c'est une personne sur 5. Donc, il ne faut pas dramatiser à outrance, mais il faut faire une prévention et persévérer dans la prévention et se battre là-dessus. Parce que bon, il y en a partout, et les pompiers aussi, avec la mousse pour étouffer les incendies aussi, ils ont été pollués, les pompiers et tout. Et puis, on a pollué les zones comme Gerland, par exemple, suite aux incendies des zones sensibles là-bas, sur place une période. Voilà. Donc, on a pollué des zones, et donc ça, c'est assez grave. Et il faut dépolluer, donc il y a un gros travail de dépollution. Et il faut surtout arrêter de polluer, ça c'est impératif. Et ça le problème, c'est qu'il y a des lobbies très puissants qui font qu'on veut perdurer, on veut essayer de faire du chiffre maximum le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, il faudra y arrêter, ça c'est sûr. Alors juste en termes de territoire, vous avez évoqué la région lyonnaise, grande métropole, région industrielle, Saint-Étienne, et vous parlez du département de la Haute-Loire, qui semblerait comme ça, on semble s'éloigner un peu de ces zones et très actives en termes d'industrie et plutôt au vert, nature, etc. Et malgré tout, voilà, en Haute-Loire aussi, et dans ces zones-là qui sembleraient être préservées, finalement, la pollution est partout. Ben oui, la pollution est partout. Il y a eu les PCB une période qui ont fait que ça s'est stocké dans les sédiments de la Loire. Et donc, il y a eu des problèmes par rapport à ça. Et puis, en plus, il y a quand même des entreprises au puits qui ont pollué, la tannerie aussi qui ont pollué. Mais il faut se dire qu'il y a, dans les années 70-80, c'était l'anarchie totale et que les laiteries déversaient du petit lait qui était hyper corrosif et qui polluait beaucoup. Les garagistes déversaient aussi de... Donc, c'est pas pour relativiser les choses, hein, mais c'est pour dire qu'on a progressé et on va encore progresser. Et on va se bagarrer justement pour assainir la situation. Le problème de la Haute-Loire, c'est qu'il y a une sorte de presque d'agro-industrie. Bientôt, il y a une bossification des paysages dans la Haute-Loire. Donc, on met de plus en plus de pesticides. Il y a surtout un sénateur qui fait tout pour justement continuer à mettre des pesticides. Bon, ben, le sénateur Duplomb, par exemple, voilà. Donc, qui fait tout pour que les paysans puissent faire des choses. Leur donner des libertés, mais la liberté, il faut la limiter aussi au respect de la santé des autres. Voilà. Ouais. Et donc là, ces pesticides, ils sont déversés dans les rivières, ils sont transformés. Comme je vous dis, après, il y a des TFA qui sont aussi assez nocifs. Donc on n'est pas à l'abri, nul n'est à l'abri de ces pollutions, hein, directement ou indirectement. Bah, on semble être plutôt pas à l'abri, justement, donc voilà. Être plutôt exposé. Alors, le tableau a l'air comme ça un peu anxiogène, je dirais, mais... quand même, parce qu'on se dit, waouh, là, renverser aussi ce système déjà dominant, c'est pas chose évidente. Alors, justement, quelles seraient peut-être des alternatives possibles? Est-ce que vous travaillez aussi sur ces questions-là? Les alternatives, elles tiennent en partie aux consommateurs, hein, à ces modes d'achat, hein. Parce qu'aujourd'hui, Tefal continue à produire quand même des poêles. Si tout le monde prend des poêles en acier, au bout d'un moment, on va gagner. Les cosmétiques, c'est pareil, hein, c'est rempli de PFAS. Donc après, y a des marques qui n'en utilisent pas. Donc après, il faut... Voilà, ça, c'est le premier jet. Bon, après, il y a d'autres... pour les mousses anti-incendie, là, c'est pas du ressort du public, mais il y a aussi des solutions. Et puis, pour les pesticides, alors... Bon, les agriculteurs, ils ont des possibilités d'utiliser d'autres produits que ceux-là. Après, à condition que ils soient quand même accompagnés et que... Oui, mais voilà, on voit bien que le choix politique n'est pas toujours en ce sens. C'est bien là le problème. Eh bien, on fait un gros travail de proximité avec les... comme ici, pour valoriser le bio et le local. Et donc, il y a un gros travail de conscientisation de tout le monde, du consommateur et des producteurs. Alors les producteurs, certains, ils ont été un peu... On leur a enlevé le recul, la réflexion, et donc c'est compliqué. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se posent beaucoup de questions parce qu'ils ont quand même des problèmes de santé, et donc ça évolue. Hein. Et comme ça évolue partout, ça évolue à Lyon d'une manière extraordinaire suite justement à des services publics qui lèvent des gros lièvres comme Boudot. Il y a eu des reportages, le reportage Boudot-Froidat, il n'y a pas de problème, et ça évolue. Et c'est comme ça qu'on se bat, en conscientisant tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Et là, c'est notre travail ici, justement, de conscientiser tout le monde et de faire en sorte qu'on progresse. Conscientiser et informer. Et informer, oui, l'information. C'est aussi de savoir. Oui, informer. Et bien, justement, on passe son temps à informer, à essayer de voir les risques et d'évaluer les risques. L'évaluation des risques, c'est très important. Et puis, il faut arriver à trouver des autorités indépendantes qui contrôlent les grandes entreprises. Et ça, c'est un défi énorme. Parce que souvent, ils font de l'auto-évaluation. Ils ont le droit à faire de l'auto-évaluation. C'est ça qui est un peu scandaleux. Ils font de l'auto-évaluation, ils font ce qu'ils veulent. Donc, il faut arriver à se laisser aller. Voilà. Ouais. Voilà, des instances indépendantes de contrôle pour savoir à quel niveau ils peuvent polluer. Ça, c'est il faut faire un très gros effort là-dessus. Et avec quel, vous parliez tout à l'heure aussi d'aspects et de registres juridiques au sein de Génération Future pour aussi être armé aussi en la matière. C'est des recours aussi que vous engagez. Parce que là aussi, ça pose question à la fois sur ces instances et ces autorités-là de contrôle et d'expertise, mais aussi finalement, comment dire, tenter d'inverser un peu les choses, ou en tout cas tenter d'intervenir, je pense aux choix politiques, parce qu'il y a une question qui se pose, c'est de se dire, on connaît aujourd'hui la dangerosité des PFAS. En connaissance de cause, comment on peut continuer à commercialiser, on se le dit, par exemple chez Seb ou chez Tefal, par exemple, continuer à commercialiser des produits dangereux pour la santé et qui vont complètement à l'encontre de l'intérêt général et du bien-être général. Et donc, quels recours possibles, quels leviers, et notamment juridiques et autres, qui sont parfois des chemins très longs. On l'a vu au travers de ce film américain, justement, adapté de faits réels, que, en fait, rien n'était encore solutionné en termes d'issue judiciaire, hein. Alors, il y a plusieurs solutions juridiques. Donc, nous, on est parti dans un premier temps sur des plaintes contre X, contre trois procureurs de trois régions différentes, pas Rhône-Alpes. Après, il y a eu d'autres méthodes qu'on utilisait, d'autres arguments, des référés pénaux environnementaux, qui devaient amener au moins une décision rapide, un référé. Normalement, en 6 mois, on a une réponse. Bon, là, ça n'a pas tellement marché. Après, il y a eu des plaintes contre X qui ont été déposées par 45 communes, quand même, de l'entourage de Pierre Bénite, de Lyon. Des fédérations de pêche, enfin bon, il y a eu. Et alors là, après, on en est actuellement sur une action au tribunal administratif pour l'extension de l'usine Arkema qui demandait donc un nouveau réacteur pour produire du PVDF, c'est un fameux polymère qu'ils vont utiliser pour la fabrication des batteries. En fait, ça intervient dans. Et du coup, bon, on a perdu en première instance au tribunal administratif. Alors là, c'est la préfecture qui est attaquée, c'est pas Arkema. C'était sur l'autorisation de mise en route de cette unité-là. Donc on demandait, nous, une enquête, une étude d'impact indépendante et quand même plus précise que ce qu'on nous avait donné. Parce que c'est quand même pas anodin, hein, c'est des productions qui sont quand même importantes. Donc là, ben voilà, on est parti au Conseil d'État en recours. Voilà, une piste. Jean-Louis, vous voulez intervenir? Non, mais c'est vrai qu'on semble impuissant, mais le problème, c'est comme le médicisif, il faut rouler la pierre. Et puis après, c'est vrai qu'on perd un peu de terrain, mais on gagne toujours, on avance toujours, on progresse sans arrêt. Et ça, on progressera. Plus les gens seront conscients, plus on progressera. Et donc, c'est irrémédiable. Donc, on peut arriver à se battre et gagner du terrain. Oui, je voulais rajouter aussi un élément. Comme on a évoqué le film Dark Waters, le PFAS là, qui était utilisé par Dupont à l'époque, c'était le PFOA. Donc le PFOA, il y a eu ces histoires, une dépollution enfin monstrueuse, hein, les animaux ont tous été condamnés, des cancers, il y en a eu des paquets, il y a eu des actions juridiques, et le PFOA, il a été interdit en 2020 d'usage. Hein. Et là, au mois de mai dernier, donc il y a eu une réunion des scientifiques mondiaux, hein, des cancérologues, et qui ont donc situé ce produit comme cancérogène avéré. Donc c'est le seul aujourd'hui, en 2024, qui est cancérogène avéré. Alors il est certes plus produit chez nous, mais par contre il est tellement indestructible qu'il y en a de partout. Et là, c'est là que bon, les normes elles sont un peu mineures par rapport à l'autorisation même de boire de l'eau. Hein. Au Danemark, ils en sont à des quantités de PFOA très limitées par rapport à nous. Parce que le danger, il est là. Nous, bon, bah, c'est sur une somme de 1 PFAS, donc la future norme européenne, elle va s'élever à 100 nanogrammes par litre. Donc, si sur les 100 nanogrammes, vous avez 40 nanogrammes de PFOA, vous imaginez bien que c'est un produit cancérogène qui va impacter gravement votre santé. Et ça, voilà. Ouais, ce que vous voulez dire, c'est que le danger est là, mais parfois le mal est fait. Voilà. Malheureusement. Juste pour revenir à propos de films, justement, vous repreniez cet exemple. Le film que l'on va voir là, si vous voulez le présenter en quelques mots, celui que vous allez accompagner durant ce temps de rencontre à l'espace conférence. PFAS, comment les industriels nous empoisonnent de production de Avant l'orage, donc Ami Étienne et Solal Moisan. Ben, je pense que c'est un reportage, c'est un film d'une heure qui est très intéressant parce qu'elle a fait une synthèse de tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé depuis quelque temps, elle a fait une synthèse de tout, de tous les éléments, tous les intervenants. Et donc je pense que c'est très bien pour avoir une vision globale de ce qui s'est passé récemment. Elle a fait une très bonne synthèse, bien punchy, bien, et je trouve que c'est bien, c'est sympa. Et puis nous, bon, ben, c'est bien parce que ça crée encore un peu plus d'informations et elle est très connue, donc ça médiatise l'affaire et c'est super. Un outil donc à disposition, très efficace. Avec la région représentée au travers de ce film, justement, je crois, qui a des exemples locaux au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis c'est vrai que moi, j'ai eu la chance ou la majorité. J'ai pu voir le film en avant-première Dark Waters au Méliès en 2019. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop percuté au départ d'entrée, mais on savait qu'il y avait quelque chose d'assez grave qui se passait. Et il y avait une invitation justement sur l'avant-première au Méliès et la salle était pleine. Et les gens, il y avait un sentiment comme quoi c'était un film important. Et ça a été un film déclencheur sur lequel Boudo a rebondi. Et il a fait ce film. Et moi, j'étais un peu le fixeur dans l'affaire. J'ai essayé d'aider un peu, apporter le maximum. Et voilà, bon, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon temps de rencontre, d'échange. On vous le rappelle, c'est d'ici une demi-heure, c'est à 16h30. Ça se passe à l'espace conférence, hall d'accueil, entrée là-bas. Vous montez à l'étage, un espace conférence, projection de ce film. PFAS, comment les industriels nous empoisonnent. Échange avec la salle et les participations, justement, et contributions de Jean-Louis et Denis, présents ici pour Génération Future. On le rappelle, qui organisait en son temps la quinzaine contre les pesticides. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. C'était à chaque printemps de chaque année. Mais en tout cas, une très belle initiative et gros travail de François Vaillerette, justement, sur ces questions. Voilà, rencontre auprès de Jean-Louis Payon et Denis Barriot de Génération Future, cette ONG créée en 96 par François Vaillerette à l'occasion du Tatou Juste. C'était le 24 novembre dernier. PFAS, comment les industriels nous empoisonnent. Un film documentaire produit par Avant l'orage et Camille Etienne, en l'occurrence, vous l'avez entendu. L'occasion de vous proposer précisément cette rencontre à l'occasion de ce procès en appel d'activistes en lutte contre les PFAS qui sont jugés. Alors relaxés, c'était en juin dernier. En effet, le tribunal a relaxé 7 prévenus sur 8. Au motif que l'action auprès d'Arkema à Pierre Bénite était précisément légitime et nécessaire et relevait de la liberté d'expression. Et puis, eh bien, le procureur et Arkema en ont décidé autrement en conduisant les 8 prévenus devant la justice à nouveau. C'est le cas depuis ce matin avec un rassemblement devant la cour d'appel de Lyon en ce mardi 11 février. L'occasion de vous rappeler d'abord que toutes les productions, interviews, rencontres, tables rondes, conférences réalisées sur le Tatou Juste 2024 vous seront proposées très prochainement en ligne et donc en écoute possible, disponible à loisir sur le site du 895 de Dio, radiodio.org bien entendu. L'occasion aussi de vous rappeler l'actualité de Génération Future et pour ce, je vous renvoie sur leur site internet dédié génération-future.fr, le tout au pluriel et en minuscule, puisque tout récemment, eh bien, avec 31 organisations partenaires, Génération Future a écrit au gouvernement de François Bayrou pour lui demander d'agir dans les plus brefs délais contre les PFAS. Cela date de ce tout début mois de février, à l'occasion et à quelques jours du second passage à l'Assemblée nationale de la proposition de loi du député écologiste Nicolas Thierry, et donc rappeler au Premier ministre l'urgence à agir contre ces polluants éternels. Vous pouvez découvrir notamment la publication Le Courrier, les principaux éléments du courrier qui lui ont été adressés et les demandes qui ont été faites à l'échelle autant nationale qu'européenne. Et pour rappel, vous avez jusqu'à demain 12 février pour interpeller les députés membres de la Commission Développement Durable et jusqu'au 20 février prochain pour interpeller tous les députés de l'hémicycle. Voilà, toute la lettre, les infos et autres, génération-future.fr. Génération Future qui aussi appelle là à agir concernant cette autre proposition de loi d'orientation agricole, celle-là qui imposerait des reculs avec conséquences terribles sur notre santé, la biodiversité et sur l'avenir des générations futures précisément, puisque cela pourrait être voté au Sénat et à l'Assemblée nationale dans ces prochains jours. Et là aussi, une pétition est en ligne sur et via change.org. Mais vous avez toutes les infos via le site dédié Génération Future, comme je vous le précisais. Il est tout simplement temps de boucler ce programme des mots des sons sensibles avec quelques infos culturelles très rapides et une dernière proposition musicale en guise du générique de fin que je vais vous proposer d'ici un instant. Revenir sur une actualité locale précisément avec le duo Salut l'Orage qui était en concert récemment le 24 janvier dernier au Château du Rosier à Feur et qui a sorti un nouveau titre, c'était, je vous l'ai proposé sur cette antenne semaine dernière, le 7 février dernier, De la sueur et des larmes, et qui sera en concert, ou seront pour le duo, en concert, le duo stéphanois, du côté de l'hippodrome de Saint-Galmier. C'est 15 et 16 février, c'est donc ce week-end, et c'est tout simplement le Loire Bière Festival. C'est la première édition, c'est la brasserie stéphanoise qui organise avec 12 autres compères de la Loire, et donc autres brasseries, autres brasseurs locaux, ce premier festival du genre. Voilà, ça va se passer à l'hippodrome de Saint-Galmier, c'est 15 et 16 février, avec... le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h, l'occasion de bien sûr découvrir l'ensemble de ces brasseries, donc de déguster diverses animations prévues sur place et un concert prévu le samedi soir, ce 15 au soir, à partir de 19h30 avec les groupes Spirit Bloom, Kétan et Salut l'Orage, précisément, qui se produira dans le cadre de ce festival à Saint-Galmier, donc ce week-end. Mais Salut l'Orage sera aussi en concert pour une affiche partagée avec une autre formation locale ou régionale, puisque Salut l'Orage est en concert ce 12 février, ce mercredi 12 février au soir. Alors c'est du côté du Nicassis Cordelier à Lyon. Voilà, puisqu'on parle aussi de brasserie, pourquoi pas. Salut l'Orage partagera l'affiche avec 111. 111, c'est non pas un duo, mais un trio, Power Trio, assez classique pour une musique rock efficace et qui sort tout simplement, enfin, son album aujourd'hui même, ce mardi 11 février. Alors 111 et Salut l'Orage en concert ce 12 février au Nicassis Cordelier à Lyon, mais 111 sera aussi prochainement en concert, notamment toujours du côté de Lyon, à partager l'affiche avec Kokomo, ce sera au Transborder ce 13 février. Mais l'actualité, elle est au-delà des concerts et de la scène, elle est surtout donc discographique avec la sortie de cet album, enfin ce mardi 11, et oui, 111, j'aime les chiffres et la magie numérique ou numéraire, et en tout cas c'est bien aujourd'hui que sort cet album du groupe qui, pour ce trio, est originaire, allez, oui, plutôt de Lyon, mais qui a sa connexion stéphanoise absolue, travail de résidence du côté de la salle à Saint-Étienne, qui a enregistré cet album au studio E à Écotais avec Bruno Prena, qui est signé sur le label stéphanois Le Cri du Charbon, distribué par Inouï Distribution. Bref, voilà, vous avez toutes les infos, ou presque, sur ce trio. 111, donc, release party cette semaine, ce 12, et surtout sorti ce 11. Ils étaient ce matin même ici en nos studios pour enregistrer une interview avec le collègue Loïc qui vous proposera une émission spéciale ce mercredi 12 dans son programme Plus Fort, J'entends Rien, et qui fera l'objet très prochainement d'une découverte et d'un partenariat Ferrarock. Et oui, on soutient aussi nos artistes locaux ou régionaux. Alors tout simplement l'occasion, eh bien, de s'écouter un titre extrait de ce nouvel album qui est intitulé Oh Waouh. Eh bien c'est tout simplement la deuxième plage qui va nous permettre de plonger dans cet album, de le découvrir et de nous offrir ou vous offrir ce générique de fin de ce programme des mots et des sons sensibles. On termine là-dessus, tout bon chez vous, on se retrouve très vite, bien sûr, même lieu, même heure. Ciao, bye.